Yeah. On m'a toujours dit après le beau temps y'a l'orage. Tu crois que tu navigues mais tu feras nos phases à notre âge. Et des fois je rêve de tailler. On est des rats sur un navire et les rats taillés. Moi je pense qu'à racailler ou à me barrer dans les îles. Même si je me fais chier, je préfère crever sur un braco que t'as fait à l'usine. On a que la vie qu'on mérite. Ça me fait gollerie, alors je médite et je me dis c'est quoi ces conneries. Y'a pas de saison pour se fumer sans raison. Je m'arme, tu t'armes à chacun sa conjugaison. Y'a pas de début sans fin, j'suis comme une Audi sans frein. Chez nous y'a pas de légende sans flingue, petit con. La vie tu vis, tu meurs, qui va chialer quand j'serai plus là. Des fois je regarde même plus l'heure et je me dis c'est pas grave. J'ai le groove et dans ma tête j'suis en concert sur Bagdad. On veut le love, la mif les lover. La vie c'est des choix, on finit par faire les mauvais. Il pleuvra pas des billets mauves. Et à la fin du film, même les fauves finiront par se sauver. On veut le love, la mif les lover. La vie c'est des choix, on finit par faire les mauvais. Il pleuvra pas des billets mauves. Et à la fin du film, même les fauves finiront par se sauver. Depuis ta naissance, la chance fait la grève. Dis-toi c'est pas grave, personne viendra te fumer quand tu grêles. T'as pas compris, bah tant pis. J'ai pas le temps de t'expliquer. Enfin en bref j'en ai pas envie. J'suis pas ton frère et refrais. À force de chialer sur ce que t'as pas, tu vas te noyer dans les regrets. On a qu'une vie, la ruelle bise, poteau c'est le vide. T'auras pas l'enterrement d'Elvis. On dit chaque chose en son temps. Un coup t'as trop chaud ou trop froid. Enfin en bref t'es jamais content. Insatisfait quand la chance m'a sifflé. Je lui ai dit ouais j'ferme ta gueule ou j'vais finir par gifler. J'rêvais d'une bonnie et sur un citrus, je crois qu'elle sera disponible, j'en veux toujours plus. Je vois rien, je verrai mieux à travers le canon du prolique. T'as fils de pute. On veut le love, la mif les lover. La vie c'est des choix, on finit par faire les mauvais. Il pleuvra pas des billets mauves. Et à la fin du film, même les fauves finiront par se sauver. On veut le love, la mif les lover. La vie c'est des choix, on finit par faire les mauvais. Il pleuvra pas des billets mauves. Et à la fin du film, même les fauves finiront par se sauver. Putain destin, je me dis c'est trop non. Les soucis c'est comme les stars, ça tombe toujours sur toi au mauvais moment. On dirait c'est fait exprès, ça casse les couilles. Comme écrire un album et devoir choisir les extraits. On veut le love, la mif les lover. La vie c'est des choix, on finit par faire les mauvais. Il pleuvra pas des billets mauves. Et à la fin du film, même les faux finiront par se sauver. On veut le love, la mif les lover. La vie c'est des choix, on finit par faire les mauvais. Il pleuvra pas des billets mauves. Et à la fin du film, même les faux finiront par se sauver. On veut le love, la mif les lover. La vie c'est des choix, on finit par faire les mauvais. Il pleuvra pas des billets mauves. Et à la fin du film, même les faux finiront par se sauver.